Au fond de mon cœur, y'a cette petite voix qui m'enlève la haine et qui guide mes pas. Elle ne crie pas à l'aide quand elle a froid. J'aime bien l'écouter, la nuit elle me parle. Elle me dit que le monde devient sauvage, que l'être humain est devenu égoïste, qu'avec beaucoup de gens faut que je tourne la page et que je devienne puissant comme un soliste. Elle me remplit d'amour, boycotte la guerre et surtout ses partisans qui la prônent. Elle me dit que la terre retourne à la terre, même si un jour tu prends place dans le trône. Que beaucoup ici font preuve d'avarice, mais dans la logique c'est des avaries. Qu'entre le bien et le mal certains varient, et que pour les vraies valeurs très peu s'allient. Elle me dit que le futur est mal barré, que c'est les épreuves qui forgeront les hommes, que pour du papier ils deviennent tous tarés, qu'ils oublient les sentiments pour des sommes. Elle me chuchote de porter haut mes valeurs, de semer le bonheur plutôt que le malheur, de laisser ma trace sans rien regretter, comme un baiser d'amour un soir d'été. Tous les jours la petite voix m'a donné tellement de force, fait tambouriner mon cœur qui est sous l'écorce. Même si la fin est triste, elle me dit d'être droit et de poser les armes, que je dois montrer le meilleur de mon âme. Mais je ne suis qu'un artiste. Elle m'a toujours montré le bon chemin. Quand à certains moments tout partait en vrille, elle m'a dit que chacun est hors du commun. Même quand j'étais attristé en centre-ville, quand j'étais dans l'impasse et que tout était gris, elle m'a donné ma place car tout est écrit. Elle m'a montré la beauté dans son écrin. Dans une montagne de sable on est tous un grain. Même si des fois la vie perd de sa couleur, elle m'aide à surmonter toutes mes douleurs. Et partout dans le monde elle redonne espoir. Tout au fond de moi elle m'a enlevé un poids. Et quand j'ai les nerfs je redeviens calme. Je me suis éloigné des histoires de calme. J'ai enfermé mon chagrin au fond de la cave et j'ai laissé mes problèmes sur la. Tous les jours je me demande suis-je à la hauteur. Mon frère me dit dans tes sons je me reconnais. Même si la musique, le bruit n'ont pas d'odeur, au fond moi je m'en tape d'être reconnu. Et dans le vide les yeux fermés je vais sauter, parce que je fais confiance à la petite voix. Même si toute l'adolescence moi j'ai fauté, mes souvenirs me disent à la prochaine fois. Tomber c'est facile mais faut savoir se relever, et se dire que t'avances quand personne y croit. C'est pas les langues fourchues qui m'ont élevé, ou qui sur le dos portaient ma croix. Même si tout est perdu d'avance, je ralentirai pas la cadence. Dans le rap j'ai planté ma tente, toujours dans la salle d'attente. Tous les jours la petite voix m'a donné tellement de force, fait tambouriner mon cœur qui est sous l'écorce. Même si la fin est triste, elle me dit d'être droit et de poser les armes, que je dois montrer le meilleur de mon âme. Mais je ne suis qu'un artiste. Tous les jours la petite voix m'a donné tellement de force, fait tambouriner mon cœur qui est sous l'écorce. Même si la fin est triste, elle me dit d'être droit et de poser les armes, que je dois montrer le meilleur de mon âme. Mais je ne suis qu'un artiste.